Bassin. Al-Hawd. Al-Hawd est un immense bassin où boiront le jour du jugement ceux qui se sont conformés au message du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ceux qui n'auront pas suivi sa voie, ou qui auront modifié leur religion après lui, en y introduisant des innovations, bid'a, seront privés de ce bassin. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a décrit ce bassin en ces termes. Mon bassin est tel qu'il faudrait voyager un mois pour le traverser. Son eau est plus suave que le lait, et son odeur plus agréable que celle du musc. Ses coupes sont aussi nombreuses que le nombre des étoiles dans le ciel. Quiconque y boit n'aura plus jamais soif. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Il dit aussi, « Je vous précéderai au Hawd, certains viendront juste en face de moi, de telle sorte que je les regarderai, mais à ce moment-là, on les saisira et on les éloignera de moi. Alors je dirai, ô Seigneur, mes compagnons, on me répondra, tu ne sais pas ce qu'ils ont introduit après toi comme innovation, bid'a, dans la religion. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Dans un autre hadith, il a dit aussi, « Je me tiendrai près du bassin, et je verrai ceux d'entre vous qui viendront à moi. Certains d'entre vous seront éloignés de moi, alors je m'exclamerai, « Ô Seigneur, ce sont les miens, ils font partie de ceux qui me suivent. » Alors on me répondra, « As-tu vu ce qu'ils ont fait après toi ? Par Allah, ils ont tourné les talons. » Hadith rapporté par Al-Bukhari.